prayer, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To say thank you to him is very important. Sich beim Herrn zu bedanken ist sehr wichtig. In Romans 1, verse 21. In Römer 1, Vers 21. Talks about glorifying him and saying thank you. Geht's darum, den Herrn zu verherrlichen und sich bei ihm zu bedanken. Romans 1, verse 21, parle de se remercier à Jésus-Christ. It said, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Praise the Lord. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Verset 21. En effet, ils ont connu Dieu, mais ne lui ont pas rendu gloire et ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Said we are not thankful. Tu n'es pas dankbar. La Bible nous dit que le monde n'a pas remercié Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will be going to a message which the Lord gave me to preach today, especially for today. Heute geht es eine Botschaft, die der Herr mir besonders für heute gegeben hat. Aujourd'hui, on va parler sur un message que Dieu m'a donné pour aujourd'hui. Which is Christ and the ministry. Christus und die Gemeinde. Et il s'agit de Christ et le ministère. I just want to preach it a little bit, but it's something very deep. But I want to preach it just for today. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Christ and the ministry. Christus und die Gemeinde. Christ et l'Église. Or the ministry and Christ. Oder die Gemeinde und Christus. Oder l'Église et le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we still have a lot of work to be done in the house of Christ here in this ministry. Wir haben in dieser Gemeinde noch viel zu tun. Et dans cette église, il y a beaucoup de choses à apprendre et à faire. And we saw what happened on Sunday. Amen. Amen. In the garden, how the rain disturbed us. Amen. Und wir haben auch gesehen, wie am Sonntag der Regen die Feier etwas gestört hat. Et le dimanche, nous avons aussi vu comment la pluie a dérangé notre fête. Nevertheless, we still thank Jesus for everything and in everything. Dennoch danken wir dem Herrn für alles und in allem. Mais quand même, nous étions capables à remercier Dieu en tout et pour tout. But problems never come from him. Aber Probleme kommen nicht von Jesus. Mais les problèmes ne viennent jamais de Dieu. He wants us to live in his blessing. Möchte, dass wir in seinem Segen leben. Parce que Dieu veut qu'on vit dans sa bénédiction. And not in miracle. Und nicht im Wunder. Amen. He did not create us for miracles. Er hat uns nicht für Wunder erschaffen. Il nous a pas créé pour les miracles. Amen. Amen. His blessing prevents miracles. Sein Segen verhindert what man calls miracle. Das, was der Mensch Wunder nennt. Parce que sa bénédiction empêche les miracles. Amen. Amen. What religion call miracles? Das, was Religion Wunder nennt. Ce que la religion appelle miracles. His blessing prevents them. Sein Segen verhindert das. Christ's blessing. La bénédiction du Christ empêche le miracle. Praise the Lord. Amen. That you are so blessed that you never lack. Dass du so gesegnet bist, dass du keinen Mangel hast. Que tu es béni, que tu es jamais dans le manque. You know, those that lack, they pray for miracles, to have provision. Wenn die Menschen, die im Mangel sind, beten für die Versorgung. Parce que les gens qui sont au manque, ce sont eux qui demandent pour un miracle. Are you getting it? Mm-hmm. You are so blessed that you are never sick. You know, until you are sick, you never pray for a miracle to be healed. Dass du so gesegnet bist, dass du niemals krank wirst. Und weil du nicht krank wirst, brauchst du auch kein Wunder, geheilt zu werden. C'est comme ça, c'est comme si une personne, quand une personne est malade, c'est là où elle commence à prier pour le miracle. Mais quand cette personne n'est pas malade, il ne va pas aussi prier pour le miracle. His blessings prevent what man and religion call miracles. Sein Wunder verhindert das, was Menschen in der Religion Wunder nennt. Nee, sein Segen verhindert das, was Menschen Religion Wunder nennt. Parce que la bénédiction de Dieu empêche ce que l'homme ou bien la religion appelle miracle. You know, you are so rich. You know, the blessing of the Lord makes us rich. Der Segen des Herrn macht uns reich und fügt kein Leid hinzu. La bénédiction de Dieu n'ajoute The blessings of the Lord make us rich. La bénédiction de Dieu added no sorrows. La bénédiction de Dieu, ça nous fait riche et puis ça n'ajoute pas de soucis. Amen. Amen. That you are so rich that you don't even pray to, you know, for miracle to eat, to food, to be fed, or for something to come. You are so blessed and you are blessing others. Dass wir so gesegnet sind, dass wir nicht nach Essen oder nach Versorgung bitten müssen, sondern so viel haben, dass wir auch anderen Leuten geben können. En Christ, nous sommes tellement bénis que nous ne demandons pas pour le miracle dans notre vie. Nous sommes bénis pour que nous soyons, pour qu'on soit, on soit aussi une bénédiction pour les autres. It is not His will that His children live like beggars. Es ist nicht Gottes Wille, dass poverty is a curse, seine Kinder in Armut leben, weil Armut ist ein Fluch und kein Segen. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu vivent comme des mendiants, donc les gens qui demandent beaucoup. He rejoices in our prosperity. Der Herr freut sich über unseren Reichtum. Parce que Jésus-Christ, il a la joie dans notre prospérité. He want to see that victory in you, in your life, more than you even want to see it. Und möchte diesen Erfolg in diesem Because he glorify him, not dein even Leben you. Mehr sehen, als du es sogar willst, weil es verherrlicht ihn und nicht deinen Namen. Et Jésus-Christ veut voir ta victoire dans ta vie. Parce que ça va le glorifier. Il veut même le succès plus que toi, tu le veux. You know, people know you by his name. Leute kennen dich durch seinen Namen. Et les gens te connaissent à travers le nom de Jésus. They know your logo. Logo, what is logo? We have logo here. Logo. Okay, sie kennen dein Logo. Christ is our logo, the name of Christ. They know you by that name already. Okay. That's your logo. Okay, das ist dein Logo. Les gens te connaissent par le nom de Jésus-Christ, et puis c'est ça, c'est qu'on appelle aussi ton logo. Praise the Lord. Hallelujah. They know you already. That stamp is there, that this is a son of God. Ah, dass du ein Sohn Gottes bist. Belong to Christ. Dass du zu Christus gehörst. Donc les gens voient et puis comprennent aussi que tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Amen. And everything they say about you goes to him. Well, and nothing, no, it's not for you, to him. Amen. Amen. Alles, was sie über dich sagen, geht an ihn. Et tout ce que les gens disent à travers de toi, ça part directement à Jésus-Christ. He did not create his children to be poor. Er hat seine Kinder nicht erschaffen, um arm zu sein. Et Dieu nous a pas créé pour être pauvres. There is no poverty in heaven. Es gibt keine Armut im Himmel. I don't know, are you getting it? Yeah. No poverty in heaven. It's a curse. Dans le royaume de Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre. He told Abraham, I will bless you and I will make you a blessing. Er hat zu Abraham gesagt, dass er ihn segnen wird und zu einem Segen machen wird. Et c'est comme ça qu'il a dit aussi à Abraham qu'il va bénir Abraham pour que lui aussi soit une bénédiction pour les autres. Praise the Lord. Amen. Allow him to be the one that blessed you and not Satan giving you things. Don't give anything to Satan, don't take anything from him. Gib nichts dem Teufel und nimm auch nichts vom Teufel an. Amen. Et tu ne laisses pas que le diable te donne une bénédiction et tu ne prends rien aussi du diable ou n'accepte rien du diable. Amen. Amen. Hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know what, ma? We call miracle on that day. There was no rain. Das, was der Mensch Wunder nennen würde, dass es am Sonntag nicht geregnet hat. Par exemple, le dimanche, quand nous avons fêté, c'est l'homme qui va appeler le miracle que la pluie s'est arrêtée directement. Amen. For us, we praise him for everything and in everything. Wir feiern den Herrn in allem. Amen. Mais nous, comme enfants de Dieu, on glorifie Dieu en tout et puis pour tout, même s'il y a la pluie. He wants us to live in his blessings. Möchte, dass wir in seinem Segen leben. Et puis Dieu veut qu'on vit dans sa bénédiction. I want all of us to be involved in his house. Und er möchte, dass wir alle involviert sind in seinem Haus. Et Jésus-Christ veut que nous qu'on soit attaché dans la maison de Dieu. His house is very very important for him. Sein Haus ist ihm sehr wichtig. Parce que la maison de Dieu c'est très important pour his lui. His house is his ministry. Sein Haus ist seine Gemeinde. Parce que sa maison, c'est son ministère. Don't separate yourself from his house. Trenne dich nicht von seinem Haus. Il ne te sépare pas aussi de sa maison. Somebody get you something. You know that you are one with his house. Make it, allow it to be your number one issue. Just like he is number one in your life. Lässt du, dass es dir an erster Stelle steht, eins zu sein mit seinem Haus, mit seiner Gemeinde, genauso wie es dir auch wichtig ist, eins zu sein mit Jesus Christus. La façon comme Jésus Christ a la première priorité dans ta vie, c'est comme ça aussi tu dois avoir la priorité avec la maison de Dieu, que tu prends aussi la maison de Dieu sérieusement. If Christ is your number one, his house should be your number one. Wenn Christus dein Nummer eins ist, sollte auch sein Haus dein Nummer eins sein. Si Jésus-Christ est ta première priorité, c'est comme ça aussi sa maison doit être ta première priorité. Amen. Amen. Be there for Christ should never be a burden to you. Für Jesus da zu sein, sollte niemals eine Last sein für dich. Que tu es là pour Jésus-Christ, ça ne doit jamais être un souci pour toi. Amen. Amen. Allow it to become your lifestyle to be there for Jesus. Lass uns dein Lifestyle ist, für Jesus da zu sein. Et ça doit être ta façon de vivre et d'être là pour Jésus-Christ. It should be a privilege that he wants you to be there for him. Es sollte ein Privileg sein für dich, dass du für ihn da sein darfst. C'est un privilège que tu es capable d'être là pour la maison de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. There are some corrections here that the Lord wants to correct us. Amen. Amen. Es gibt einige Dinge, die der Herr verbessern möchte. Amen. Et puis il y a aussi la correction que nous avons ici dans cette église. And there are things here he wants us to really understand properly. Es gibt Dinge hier, die wir wirklich verstehen sollen. Et puis il y en a des choses que Dieu veut qu'on comprenne. You know, people don't want to be rebuked openly. Leute möchten nicht öffentlich zurechtgewiesen werden. Et les gens, ils ne veulent pas être corrigés en public. The flesh does not love rebuke. Das Fleisch mag keine Verbesserung. Parce que la chair, hate it so much. La chair déteste la correction. 1 Timothy. Let's just go to 1 Timothy. 1 Timotheus. 1 Timotheus. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Timothy 5. 1 Timotheus 5. 1 Timotheus 5. Verse 20. Vers 20. It said, then that sin rebuke before all, that others also may fear. Are we getting something here? Die welche sündigen weisen zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Fais des reproches devant tout le monde à ceux qui commettent des péchés, alors les autres aussi auront peur de mal faire. If you are under grace, you are never ashamed of correction. Wenn du unter der Gnade von Jesus Christus stehst, schämst du dich nicht für die Belehrung. Amen. You love it. Du liebst die Belehrung. Et si tu es sous la grâce de Jésus Christ, là, tu n'auras jamais honte d'être corrigé en public, parce que tu vas commencer à l'aimer. Because it is a proof that the Lord loves you. Es ist ein Beweis, dass der Herr dich liebt. Somebody is getting it. It's a proof that he loves you. Es ist ein Beweis, dass der Herr dich liebt. Parce que ça prouve que Dieu t'aime. Amen. Amen. You know Proverbs, the book of Proverbs. He said he loved he corrects those that he loves. In Sprüche lesen wir auch, dass der Herr die Leute belehrt, die er liebt. Même dans Proverbe, on apprend que Dieu corrige ce qu'il aime, les gens ce qu'il aime. If your focus is Christ, you are not ashamed of any correction. Wenn dein Fokus auf Christus liegt, schämst du dich nicht wegen irgendeiner Belehrung. Parce que si ta concentration est à Jésus-Christ, tu n'auras pas honte d'être corrigé. But if you are full of yourself, if you are under law, correction, wirst du Belehrung hassen. Mais si tu es plein de toi-même et puis de ton soi, là, tu auras honte d'être corrigé. You know, people hate correction, rebuke, especially openly. Leute möchten nicht öffentlich zurechtgewiesen werden. Les gens en général détestent être corrigés en public. Here, Paul said that we should rebuke openly. Hier sagt Paul, wir sollen so that others will learn. Damit andere lernen. Et même Paul nous dit qu'on doit faire des reproches devant tout le monde pour que les autres aussi apprennent. Praise the Lord. Hallelujah. You know, correction help you. You know, the pain or the joy of correction help you to know the level you, the your maturity in the spiritual world. I don't know. Do you get something there? Je nachdem, wie schmerzhaft für dich Belehrung ist, daran kannst du auch messen, wie reif du geworden bist. Si, par exemple, tu, la façon comment tu réagis aux corrections, c'est que ça montre ta maturité. Mm. It helps you to know the level of your maturity in the spirit. Das zeigt jetzt, es hilft dir zu sehen, wie reif du bist im Geist. Et ça t'aide aussi à voir où tu es arrivé dans ta maturité, si tu es encore petit ou bien si tu es déjà fort. If you are in the spirit, you will love correction. Wenn du im Geist bist, wirst du Belehrung lieben. You will not fight those that correct you. Du wirst nicht die Leute bekämpfen, die dich belehren. Parce que si tu es dans l'esprit, tu vas aimer la correction et tu vas pas combattre les gens qui te corrigent. You know, there's nothing like shame when it comes to submitting to Christ. Es gibt keine Scham, like shame, wenn man sich dem Herrn hingibt. Amen. Dans le royaume de Christ, il n'y a pas la honte. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Amen. Ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus. Parce que je n'ai pas honte de l'évangile du Christ. The gospel of Christ is for correction, correct us, to bring us back to Christ. Amen. Das Evangelium von Christus ist da, um uns zurück zu Christus zu bringen. Es belehrt uns. Romans 1. Amen. L'évangile du Christ est là pour nous amener vers Jésus-Christ pour qu'on fait la repentance. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's gospel, you know, return us to Christ himself. Das Evangelium von Jesus Christus bringt uns wieder zurück zu Christus. L'évangile, ça nous fait retourner à Jésus-Christ. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ich schäme mich nicht für das Evangelium von Jesus Christus. Romains 1, verset 16. Amen. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. The gospel of Christ will always correct you. Das Evangelium von Jesus Christus wird dich immer belehren. Parce que la bonne nouvelle, ça va toujours te corriger. The gospel of Christ is full of repentance. Das Evangelium von Christus ist voll von Buße. Parce que la bonne nouvelle du Christ est plein de repentance. Amen. Mm-hmm. It will bring you back to where you belong. That's Christ, the position where Christ wants you to be. Dort, wo Christus dich haben möchte. It's full of correction. Et ça va t'amener là où il fallait que tu sois, parce que c'est plein de la correction. He said, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Mm-hmm. To everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Verset 16, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, les autres ensuite. Let us go to Hebrew 12. Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12. We'll quickly read from verse 2. Amen. Hébreux 12. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Hallelujah. That your focus should be Christ. Das ist der Fokus auf Christus. His finished work. Auf seinem fertigen Werk. Amen. Verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Ça nous montre que notre yeux doit être toujours fixé vers Jésus-Christ. If your focus is Christ, you will not, you will love correction and not fight those that correct you. Wenn dein Fokus auf Christus liegt, dann wirst du die Leute lieben, die dich belehren. Du wirst Belehrung an sich lieben. Si tes yeux sont fixés sur Jésus-Christ, là tu vas aimer ceux qui te corrigent. He said he is the author and the finisher of our faith. Er ist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Jésus-Christ est le commencement et la fin de notre foi. He was not ashamed of the cross. Er hat sich nicht für das Kreuz geschämt. Il n'avait pas honte de la croix. You should not be ashamed of any correction. Du sollst dich nicht schämen für die Belehrung. Et même toi, tu dois jamais avoir honte de la correction. In the natural world, you know, everywhere is full of shame. In der natürlichen Welt schämt man sich für alles. Heilig. Et au monde naturel, c'est toujours honteux d'être corrigé en public. People live for people. Menschen leben für Menschen. Parce que, les gens vivent pour les gens. We live for Christ. Mais wir leben für Christus. Mais nous, on vit pour Jésus-Christ. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Amen. Satan was really confused when it comes to Jesus. Der Teufel war wirklich verwirrt, als wenn es um Jesus geht. Le diable a été toujours confondu quand il pensait de Jésus-Christ. How will a big God, you know, just come down so low? Wie kann sich ein so großer Gott so erniedrigen? So humble, himself. So low. Il s'est demandé comment. Because Satan is full of pride. Weil der Teufel ist voll von Stolz. Le diable s'est demandé comment un Dieu grand peut être capable d'être humble de la façon comme Jésus-Christ a été humble, parce que le diable lui-même, il est plein de fierté. He said he endured the cross, despising the shame. And he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be weary and faint in your mind. If your mind is full of Christ, deine Gedanken voll sind von Christus, your joy is permanent. Deine Freude beständig. Si tes pensées sont pleines de Jésus-Christ, là ta joie va être éternellement. People, you know, in the flesh, you must live for people. In dem Fleisch, you must, is the system of this world. Mm. Dans ce monde, c'est le système de ce monde, c'est que tu vis toujours pour les gens. You might say you don't care what people say, you are a big liar. Du sagst vielleicht, mir ist egal, was Leute sagen, du bist ein großer Lügner. Tu dis que pour toi, ce n'est pas important ce que les gens de ce monde disent, mais tu es un grand menteur parce que le système de ce monde, c'est de vivre pour les autres. It is only through Christ that you can come out of the system of this world. It is only through Christ. If not, you can never get out of it. Nur durch Jesus kann man aus diesem Teufelskreis raus, sonst ist man in dem System gefangen. Seulement à travers Jésus-Christ, tu es capable de quitter le système de ce monde. From verse 6, it says, for whom the Lord loved, he corrected. Amen. Who he loved, he corrected. Amen. Den belehrt er auch. Verset 6, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. It means when people are even correcting you, you should rejoice and kiss them. Das heißt, wenn Leute dich belehren, sollst du sie eigentlich lieben und sagen, danke, dass du für mich da bist. That you allow the Lord to go through you. Dass du zulässt, dass der Herr durch dich arbeitet. Amen. C'est comme ça, c'est comme nous les enfants de Dieu, quand les gens nous corrigent, on doit être capable à dire merci à ces gens-là et puis de dire aussi que merci comme tu laisses Jésus-Christ vivre en toi et à travers de toi. Praise the Lord. Alléluia. For whom the Lord loved, he corrected and scourged every son whom he received. If ye endure correction, God dealeth with you as with sons. You know, the gospel of Christ is for our correction. Das Evangelium von Christus ist für unsere Belehrung. To the right position we are, he wants us to be. Um uns dahin zu bringen, wo wir sein sollen. Verses 6 à 7. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en fait comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? C'est comme ça, c'est comme nous. Dieu nous traite comme ses propres enfants parce qu'il veut nous amener là où il fallait qu'on soit avant la chute de l'homme. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. For whom the Lord loved, he corrected and scourged every son whom he received. If you endure correction, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father corrected not? Praise the Lord. Amen. If you really love people, you will correct them. Wenn du Menschen wirklich liebst, no matter how they might hate you, wirst du sie belehren, egal wie sie dich dann hassen. Si tu aimes vraiment tes frères et sœurs, là tu vas être aussi capable à les corriger en Christ. He said in verse 8, but if you be without correction, whereof all are partakers, then are you bastards and not sons. Amen. It means we are to rejoice when the Lord corrects us. Das heißt, wir uns freuen, wenn der Herr uns belehrt. And we are to know, it's a proof that we are sons. Das of him. Das beweist, that is our Father. It's a proof. Verset 8. Si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. C'est comme ça aussi, si quelqu'un nous corrige en Christ, on doit être contente et heureux pour la correction. You know, for investment, not compare the natural father, you know, and the supernatural father. He said, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirit and live? Praise the Lord. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Amen. Verset 9. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons donc à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Christ's message is really for our correction. Die Botschaft von Christus ist wirklich zu unserer Belehrung da. Le message du Christ est pour nous corriger. And that is why it's no problem that is to correct us. Nicht Christ's message. Belehren, sondern die Botschaft von Christus sollte uns belehren. Et ça veut dire aussi que pas des problèmes ou bien l'expérience doit nous corriger, mais le message du Christ. And I love you children so much that, you know, once the message is preached, I can see the correction everywhere. People repenting and saying we have to change. Amen. Und das liebe ich auch an euch Kindern, dass wenn die Botschaft geprägt wird, dass ihr euch dann auch direkt, dass ihr das direkt einbringt und dreht. Ihr verschwindet keine Zeit. Ihr gibt dem Teufel keine Zeit. Amen. Et c'est comme ça, je suis aussi heureux de voir que vous, quand je vous corrige à travers le message, que vous êtes rapide à faire l'apparition et vous changez so aussi much. Directement. Et je l'ai vu ici beaucoup. How you are so fast to repent. Wie schnell Der Herr, ich liebe das und der Herr bedankt sich dafür. Et c'est comme ça aussi que Dieu s'est remercié à vous parce que vous êtes vite à changer. That you believe in. Amen. Because he's looking for somebody to believe in. That's Christ. Parce que Jésus Christ, il cherche quelqu'un qui va le croire. Remember the work of the Father in John 6. He says to believe him. The work of the Father. To believe him. And once you believe him, he rejoices so much. Wenn wir an ihn glauben, dann freut er sich. Et c'est comme ça aussi, la Bible nous dit que l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça, Jésus-Christ a aussi la joie quand nous avons la foi. In verse 10, it says, for did not your father, for they verily, for a few days, correct us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verset 10, nos pères nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien afin que nous ayons part à sa sainteté. You know, I've heard this verse 11 from most of you. That, you know, the message was so, you know, the message look, that I thank the Lord that the Lord is always there. You know, the Holy Ghost is always there to help us. Amen. Amen. This verse 11, I don't know if you have you read it now? Amen. Amen. He said, now, no correction for the present, seemeth to be joyous. But grievous. Amen. Mm. It's painful. Es ist schmerzhaft am Anfang. Amen. Amen. It's so painful. Nevertheless. Aber dennoch. After all, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Do you get it? Mm. It might sound, you know, the pain. Verset 11. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et de nos joies. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit. La paix associée à une vie juste. Donc si ça montre quand nous sommes corrigés ici à l'église, d'abord ça fait mal parce que la vérité ça fait toujours mal au début. Mais après, on grandit aussi à travers le message. Why is it painful? Because of the flesh. Pourquoi ça fait mal? C'est à cause de la chair. Amen. Amen. The flesh is being crucified. Das Fleisch wird gekreuzigt. Parce que la chair est en train de mourir. The flesh hates correction. Das Fleisch hasst Belehrung. Parce que la chair déteste la correction. Verse 12, it says, wherefore lift up your hands, which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be torn out of the way, but let it rather be healed. Praise the Lord. Amen. Verset 12, c'est pourquoi redressez vos bras fatigués et rendez plus forts vos genoux tremblants. To be dead for Christ should never be a burden to you. Für Christus da zu sein, soll es niemals eine Last für dich darstellen. Que tu es là pour Jésus-Christ, ça doit jamais être un souci. Amen. Amen. No matter how many times. Egal wie oft. N'importe combien de fois tu es là pour l'église. Are you getting it? A whole big God is saying, be there for me. Ein großer Gott sagt, sei da für mich. And you are saying it's too much. Du sagst, es ist mir zu viel. Parce que un grand Dieu te dit d'être là pour lui, puis tu lui dis que c'est trop pour toi. Instead of you to rejoice and say thank you, Daddy. Anstatt sich zu freuen und Danke zu sagen, Herr. Au lieu d'avoir la réjouir, et puis de dire merci. That I'm chosen to be there for you. Dass ich auserwählt bin, um für dich da zu sein, Herr. Je suis élu d'être là pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. To be there for Christ 100 times in a day should never be a joke for anybody. Am Tag für Jesus da zu sein, sollte kein Druck sein für einen. Même si tu es 100 ans par jour là pour Jésus-Christ, ça doit jamais être une pression pour toi. Amen. Amen. But because you don't even know, you don't know who you are, you don't know this, you don't know your father, you are still a foreigner to him. Amen. Aber weil wir Fremde you see sind, it as a drug. Es ist für uns eine Last. Mais parce que tu ne sais pas qui tu es puis qui Dieu est, c'est ça pourquoi tu vois que tout ce que tu fais pour Dieu c'est une pression. Praise the Lord. Amen. Ich wollte auch noch sagen, dass es ist auch auf jeden Fall Druck, weil die Leute, die im Gesetz sind, haben immer Druck, weil die machen das aus ihrem eigenen Fleisch. Well, I don't want to come here. Let me speak my Praise the Lord. I know that. Amen. Yeah, we have just even started. Amen. He's part of it. Amen. Praise the Lord. You know, in his forgiveness, he said in a day more than 200 times. That is a big joke. Ist mehr als 200 Mal, also mehr als 200 Mal am Tag sollen wir einander vergeben. Et la Bible nous dit aussi qu'on doit nous pardonner plus que deux fois, 2200 fois par jour, et puis c'est aussi beaucoup pour nous. Amen, more than 400, thank you. He said, you know, to forgive somebody in a day. You know, can you see that the you know, his kingdom is a kingdom of druk. If you understand it, that's why until you see him, you can never even live there. Deswegen kannst du es ohne ihn nicht leben. Du musst ihn sehen, um es zu leben. Amen. Et le royaume du Christ en général pour le monde, c'est un royaume de la pression, parce que tout ce que tu fais, c'est presque impossible pour l'homme. Mais c'est ça pourquoi c'est important d'être fixé sur Jésus-Christ, pour que tout ce que Dieu te demande, tu sois aussi capable de le faire. Evil joke. That's what is called evil joke. Und es gibt einen bösartigen Druck, den wir haben können, eine bösartige Last, die wir haben können. Where you carry the load and not Christ carrying the load. Are you getting it? Und diese bösartige Last, dieser bösartige Druck manifestiert sich, wenn wir die Dinge tragen und nicht Jesus Christus sie trägt. Et il y a aussi une pression qui est mauvaise parce que toutes les charges que tu as, tu portes à toi-même au lieu de laisser Jésus-Christ porter tes charges. Amen. You know why you see it as a joke? What man called joke? Because that of Christ is different. Amen. What man called joke? Wisst ihr weshalb? Et tu sais pourquoi? Wisst ihr weshalb es für euch eine Last ist? Weshalb es für euch ein Druck ist? Et tu sais pourquoi c'est une charge ou une pression pour toi d'être là pour Jésus-Christ? You know, once it comes to finance, you see yourself that you are the owner of the money. Beispielsweise bei Finanzen, wenn du dich als den Eigentümer dieses Geldes siehst, dann wirst du unter Druck stehen. Amen. Si par exemple dans tes finances, tu vois comme si c'est toi-même qui prends soin de tes finances, c'est là où tu auras aussi une charge à porter, parce que c'est toi qui es au contrôle de ton argent. You better allow, you know, believe that Christ owns everything. If not, it's Satan that owns what you. If it is you that owns Satan that is in charge. Amen. Genau, wenn wir glauben, dass wir in Kontrolle sind, dann wird es ist der Teufel, der unter Kontrolle ist. Mais si tu crois que c'est toi qui es au contrôle de toutes tes choses, c'est le diable qui est au contrôle de toutes tes choses. Praise the Lord. Amen. You know, if you believe that it belongs to him, you know, if I give you my pot money to give money to them. You know, you don't even care because it does not belong to you. Mm-hmm. You can even give everything. But once you believe, you now know that it is yours. Mm-hmm. The flesh will fight. Ja, wenn ich dir zum Beispiel mein Portemonnaie gebe und sage, du kannst damit machen, was du möchtest, dann wirst du da die Scheine einfach rausschmeißen, verteilen, so wie du lustig bist. Aber wenn du dann glaubst, dass es dein Portemonnaie ist, dann wirst du aufpassen, wohin du dein Geld gibst, wohin du die Scheine verteilst. Si par exemple je te donne aussi mon porte-monnaie pour que tu fais tout ce que tu veux avec l'argent, tu vas aussi utiliser l'argent comme tu veux. Mais si l'argent est à toi-même, tu vas commencer à penser avant de donner l'argent, tu vas commencer à faire des calculs ou bien de penser avant de donner l'argent. You know, you see it as your money. No wonder Satan is in charge of it. Du siehst es als dein Geld und es ist kein Wunder, dass der Teufel dann in Kontrolle von diesem Geld ist. Mais pour toi, tu you keep on living from paycheck to paycheck. Du lebst because you believe it's yours. Weil du glaubst, es ist deins. It's only what until you believe belong to Christ. Satan will have hand in it. Erst wenn wir müssen glauben, dass es dem Herrn gehört, sonst wird der Teufel immer wieder seine Hand da drin haben. Amen. Amen. pour toi, tu as des difficultés à bénir ou bien avec tes finances. Tu as des problèmes parce que tu vois comme si c'est toi-même qui est au contrôle. Mais si tu laisses Dieu être au contrôle de ton argent, là, tu vas voir aussi la bénédiction de Dieu dans ta vie. You know, if you believe, it belongs to you. You know, Mr. Goodmaster. I don't know if you remember that man. Wenn du glaubst, he went away sad. Dann wirst du es nicht geben können. Genauso wie der reiche Jüngling. Because he believed that money belonged to him. If he believed that it belonged to Christ, he would give everything up. Genauso wie der reiche Jüngling, der Jesus nicht folgen konnte, weil die Bedingungen, die Jesus ihm gesetzt hat, einfach zu hart war. Er sollte seinen ganzen Reichtum abgeben, aber weil er geglaubt hat, dass es sein eigener Reichtum ist, sein eigener Besitz ist, konnte er es nicht rausgeben. Hätte er geglaubt, dass es Gottes Reichtum ist und Gottes Besitz, hätte er es geben können, weil es ja eh von Gott ist. C'est la même chose avec le disciple riche qui a demandé à Dieu, à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut faire pour recevoir la vie éternelle. Et puis Jésus-Christ a dit, vas-y, puis vends tout ce que tu as. Mais là, il était triste parce que tout ce qu'il avait, c'était, il pensait que c'est lui-même qui est au contrôle. Et c'est comme ça aussi comme nous, on fait aujourd'hui que quand Jésus-Christ nous dit de faire quelque chose, nous sommes toujours tristes de donner par exemple l'argent parce qu'on pense que c'est nous qui sommes au contrôle. It's so dangerous to see your money as your money. Sehr gefährlich, dein Geld als dein Geld zu sehen. Sieh es als das Geld von Christus. Et c'est très dangereux de voir ton argent comme ta propre, ton propre argent. Praise the Lord. Amen. And that's why I got children, you know. The wealth of sinners belong to God's children. Der and God's children are not having it because they believe their system is still the system of God's children. Der the system they follow. Der Sünder gehört den Kindern Gottes, aber das sieht man nicht, weil die Kinder Gottes das System dieser Welt verwenden. You have the same system. Wir teilen das gleiche System mit ihnen. With them. Also der Reichtum der Sünder gehört den Kindern Gottes. Ah, la richesse de pécheurs, ça appartient normalement aux enfants de Dieu, mais ils ne sont pas capables de le recevoir parce qu'ils ne croient pas et puis ils n'agissent pas selon la parole de Dieu. Aber wir sehen nichts davon, weil wir das System, weil wir nach dem gleichen System dieser Welt leben wie die Welt. Et puis on ne voit pas aussi cette bénédiction dans nos vies parce qu'on vit la façon comme le monde vit. Their system means their money belongs to them. My money is my money. But not, you know, our system is whatever we have belongs to Christ. Their system is the money. I work to. I'm the one that work to get it. It belongs to me. And what belongs to man belongs to Satan. I don't know if you understand it. I hope the Holy Spirit will help you. Amen. Und ihr System basiert darauf, dass ihr Geld ihr hart verdientes Geld ist. Aber wenn dein Geld dein hart verdientes Geld ist, gehört es dem Teufel. Et le système de ce monde, c'est que ton argent, ça appartient seulement à toi-même. Mais le système du Christ, c'est que notre argent, c'est Dieu qui est au contrôle de ça. Mais parce qu'on vit aussi comme le monde, on dit notre argent, ça appartient à nous-mêmes. C'est là où c'est la raison pour qu'on ne voit pas aussi la bénédiction du Christ dans notre vie. To be connected to heaven, it means your system is the system of heaven. That's how to be connected. You now know the system of heaven and you live it. That's how you are. It's like a plug. You know, when you plug something, if you want to on the light, you plug it on the right plug. If it is wrong, on the wrong plug, you cannot on. You know, all the time, our system is still the system, the demonic system of this world. And it cannot work. Wir sind verbunden mit dem Himmel, in dem wir nach dem System des Himmels leben. Our money is our money. Aber oft sind wir nicht mit dem System des Himmels verbunden, sondern mit dem System dieser Welt verbunden. Und deswegen denken wir dann, dass unser Geld unser hart verdientes Geld ist. Aber wundern uns, weshalb wir nicht die Ergebnisse des Himmels bekommen. Donc, L'autre, le système de ce monde, c'est que ton argent t'appartient. Et mais dans le royaume des cieux, enfin, on ne peut pas attendre les résultats du royaume des cieux si on étudie le système de ce monde. Parce qu'on doit croire que vraiment que l'argent qu'on reçoit, c'est le Christ qui le reçoit. Et si on ne vit pas selon ce principe, on ne pourra pas voir la manifestation du royaume des cieux dans nos vies parce qu'on utilise le système de ce monde, pas le système du royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. Again, it's forgiveness. He said more than 400 times a day. Mehr als 400 Mal am Tag sollen wir einander vergeben. Et la Bible nous dit qu'on doit pardonner les uns des autres plus que 400 fois. 400 fois. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And the Bible says he is always there for you 24/7. Il vous a dit 24/7. Et la Bible nous dit aussi que Dieu est toujours là pour nous 24 heures. And what about you? Are you there for him 24/7 or just for some time? Aber sind wir 24/7 für ihn da oder nur für einige Zeit? Et toi-même si tu dois te demander si tu es toujours là pour Jésus-Christ 24 heures à 24 heures et pas seulement quand tu as le temps ou quand tu as envie de, d'être là pour Jésus. In Hebrew 13 verse 5, he said, I will never, he said, he will not leave you, he will not forsake you. In Matthew 28, he said, I will be with you forever. In Matthäus 28 sagt er, dass er für immer bei uns forever. Sein wird. Für immer. And not for some time. Nicht nur für eine gewisse Zeit. But what about you? Do you promise him that you will be with him? Versprichst du ihm, dass you will be there for him. Dass du für ihn da forever. Sein wirst. Für immer. Et puis nous dit oh, que Dieu ne va jamais nous abandonner pour nous quitter. Et puis, la même chose si on doit se demander, est-ce que nous sommes capables à dire qu'on ne va jamais quitter ou bien abandonner Dieu? Praise the Lord. Hallelujah. It is a pity if you cannot be there for him forever. Es ist traurig, wenn wir nicht für immer für Jesus da sein können. Et c'est triste si tu n'es pas être, si tu n'es pas capable à être là pour Dieu pour toujours. In Matthew 11, from 2 to 6. Matthäus 11, 2 to 6. You know, John was in problem. Johannes hatte ein Problem. Let us go there. Matthew 11. Matthäus 11. John was, I hope you know John. Matthew How many 11. Of you know John? Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 11. Matthäus 11. 2 to 6. 2 to 6. Matthew 11, verset 2 à 6. He said, now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples. Amen. Amen. Somebody was in problem. Jemand hatte Probleme. Ici, il y a quelqu'un qui avait un problème. Amen. Amen. And this problem was getting worse, and he could see that it was going to cost him his life. Und die Probleme wurden immer schlimmer und schlimmer und er wusste, dass es sein Leben kosten wird. Ici, le problème devenait de plus en plus grave et Jean-Baptiste aussi savait qu'il va perdre sa vie. He said, now when John had heard in the prison the words of Christ, he sent two of his disciples, three, and said unto him, are thou he that should come, or do we look for another? Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you know who John is, you will be surprised with this question. Wenn du weißt, wer Johannes ist, dann wird dich diese Frage erschrecken. Verset 2 à 3. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques de ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que tu es le Messie que Dieu qui doit venir, ou bien devons-nous attendre un autre? Si tu connais Jean-Baptiste, là tu vas être étonné pourquoi il a demandé une question comme ça. You know, I thank Jesus that he is a merciful God. Ich danke, it's not like Gabriel. Ich danke Jesus, er ein gnädiger Gott ist. Er ist nicht wie Engel Gabriel. Amen. Amen. Et je suis heureux de voir que Dieu est größer als Engel Gabriel. He's God. Engel Gabriel God. Is not God. Engel Gabriel ist eben nicht Gott. Er ist nur ein Engel. Et je suis aussi heureux de voir que Dieu a la grâce et puis la miséricorde dans notre vie et puis qu'il n'est pas comme l'ange Gabriel. You know, this question alone is enough to even to do something, you know, very radical to John. Diese Frage allein reicht um to punish, you know, like Johannes zu bestrafen. I don't know if you get it. You know, if you know who John is, because John from the mothers who was already filled with the Holy Ghost, he was sent to introduce Jesus Christ to the world. Weil Johannes der Täufer, er war schon im Leib seiner Mutter, war schon gefüllt mit dem Heiligen Geist. Er wurde geboren, um den Weg für Jesus zu bereiten. Sein ganzes Leben, seine ganze Existenz lag darin, den Weg für den Messias vorzubereiten. Und dann stellt er so eine Frage. Et Jean Baptiste n'était pas seulement n'importe quelle personne. C'était la personne qui a été rempli du Saint-Esprit quand Élisabeth a été enceinte de Jean-Baptiste. Donc, il savait qui est le Christ. Et puis, c'est lui aussi qui a présenté le monde, qui a présenté Jésus-Christ au monde. Et c'est ça aussi, on explique ici que si Dieu ne voulait pas avoir la miséricorde, là, il pouvait même tuer ou bien réagir négativement à cette question que Jean-Baptiste a demandé. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Here John is doubting. He zweifelt doubting. Jonas. Doubting if Jesus is really the real person that he should introduce to the world. Er zweifelt daran, ob Jesus wirklich die Person ist, die er der Welt vorstellen sollte. Ici Jean Baptiste doute si c'est Jésus Christ qui est le Messie. And that's why we have to be careful of the natural system. Sie müssen aufpassen, uns in Acht nehmen vor dem natürlichen System. Das natürliche System. C'est ça pour prendre faire attention du système naturel. The natural system is what people did not do for you or what they did to you. Das natürliche System liegt darin, auf das zu schauen, was Leute dir angetan haben und Leute, die nicht was Leute nicht für dich gemacht haben, da müssen wir aufpassen. Et c'est comme ça que tu dois faire aussi attention du système de ce monde, parce que là tu vas commencer à regarder ce que les gens ont fait pour toi, Amen. Au lieu de regarder ce Jésus-Christ. What is Jesus going to do now? Is he going to, if you should come and visit me, he should come and free me. You know, the natural system, you know, we should be very careful. And you know, it's once he paid the price. He died for me. He lived in me. That should be your victory, and not the natural system. He came to visit me. He came to do this. He came. I don't know if you are getting it. Und nach dieser Information, was hätte Jesus machen müssen? Hätte er ihn jetzt schnell besuchen müssen? Hätte er ihn trösten müssen? Aber unser Fokus darf halt nicht darauf liegen, sondern es muss auf dem liegen, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass er für uns gelitten hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Darauf muss unser Fokus liegen und nicht auf dem System und der Erwartungen dieser Welt. À travers de la question de Jean-Baptiste, on peut comprendre qu'il avait des attentes à Jésus-Christ. Donc peut-être il voulait que Jésus-Christ le visite en prison, en prison, ou bien qu'il fasse quelque chose. Mais Jésus-Christ a rien fait. Puis c'est là aussi, c'est important de ne pas voir ce que l'homme fait, mais ce que Jésus-Christ a fait pour toi, qu'il est mort pour nous, et puis qu'il a laissé sa vie pour nous. I hope you really know who John is. Ich hoffe, ihr wisst, wer Johannes der Täufer ist. J'espère que vous comprenez qui est Jean-Baptiste. Jesus said he is greater than Abraham, than Moses, than all of them. John is greater than all of them. Jesus hat gesagt, dass Johannes größer ist als Abraham, als Mose, als alle Propheten, die vor ihm waren. So great. So großartig. Doubting Jesus. Aber dennoch hat er Jesus angezweifelt. Parce que Jésus-Christ a dit que Jean-Baptiste est plus grand que Abraham, Moïse, puis que les autres prophètes. Mais Jean-Baptiste a été capable de douter Jésus-Christ si c'est lui réellement le Messie. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this question that this man, you know, this he He said, and he said unto him, are thou he that should come, or do we look for another? Amen. Mm-hmm. You know, that same question, you know, if you celebrate your marriage here, we did everything here, and you are asking me about the garden. We have everything was celebrated. And you know, that same question, and you are asking me something, a question that is just like this type of question that John is asking. I don't know, are you getting it? Und genauso auch die Frage, dass wenn man beispielsweise im Garten heiratet und dann aber fragt, ob der Garten zur Gemeinde gehört, dass es auch eine Frage ist, die einfach merkwürdig ist. Et c'est aussi comme si par exemple une personne marie au jardin ici à côté de l'église et puis demande si comme on fait des projets pour le jardin, si ça appartient à l'église, c'est la même chose que tu, il y a un doute que tu es en train de communiquer. Amen. And Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here is very interesting. It said the poor have the gospel preached to them, and not money given to them. Den Armen wird das Evangelium verkündigt, und nicht den Armen wird Geld gegeben. Verset 4, Jésus leur répond, allez raconter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent pour recevoir la bonne nouvelle. Ici, on voit aussi que les pauvres ne reçoivent pas l'argent, mais ils reçoivent la bonne nouvelle. Il y a une grande différence ici. Are you getting it? In the natural world, it will be the poor money was given to them, food was given to them, but in Christ's world, can you see something different? In der natürlichen Welt würde den Armen Essen und Geld und Obdach gespendet werden, aber im Königreich des Himmels wird ihnen das Evangelium verkündet. Au monde naturel, c'est normal que les pauvres reçoivent l'argent, ou bien à manger, bien des choses comme ça, la nourriture. Mais ici, dans le royaume du Christ, on voit que les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, donc c'est complètement différent. Look at verse 6, very interesting. Perfect. He said, and blessed is he, whosoever shall not be tired of being there for me, of believing me. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt. I will not be offended, giving up. Der nicht aufgibt, nicht müde wird. Et à verset 6, on voit Hébreu, heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here John was saying, you know, to be there for Christ was becoming a drug for him. Für Christus da zu sein, wird immer mehr und mehr zu einem Druck. Weil die Dinge in seiner Situation immer enger und enger wurden. Et même dans la vie de Jean-Baptiste, on voit que ça devenait toujours une charge puis une pression d'être là pour Jésus-Christ, parce que la vie de Jean-Baptiste devenait de plus en plus difficile. If you keep on seeing it that way, it's a matter of time you'll be offended. Wenn wir die Dinge fleischlich sehen, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir Anstoß nehmen. Et si tu vois aussi des choses charnellement, là tu seras aussi fatigué et puis tu vas être aussi offensé d'être là pour Jésus-Christ. It's a blessed are they that are not tired of me. Gesegnet sind die mich nicht satt haben. Amen. Il est heureux, c'est lui qui ne refuse pas de croire en moi. Blessed are they that are not tired of being there for one another. Glückselig sind die, die nicht müde sind, füreinander da zu sein. Amen. Because you are there for Jesus. Weil du da bist für Jesus. Amen. Il est heureux, c'est lui qui n'est pas fatigué d'être là pour Jésus-Christ. He said, blessed are they that are not tired of being there for his whole house. Glückselig sind die, because you are there for müde him. Sind für sein Haus da zu sein, die für ihn da sind. Comme ça aussi, les gens sont bénis qui ne sont jamais fatigués d'être là pour sa maison. Nous nous attendons God for Abraham. J'aime God for Abraham. Je remercie Dieu pour Abraham. You know, God told him to give him his son. Gott hat ihm gesagt, dass ihm seinen Sohn geben soll. Parce que Dieu lui a dit de donner son fils. A son that he know it took more than 20 years to have. Ein Sohn, more than 20 years. Auf den mehr als 20 Jahre gewartet hat. Le fils qui est venu après 20 ans. You know, first of all, in Genesis 12, you know, God told Abraham, leave your father's country. Erst hat Gott zu Aaron gesagt, and now give me your son. God is coming next. Geh aus dem Haus deines Vaters, verlasse das Land deines Vaters. Und dann sagt er, gib mir deinen einzigen Sohn. Und Leute könnten sich denken, was kommt als nächstes, was soll ich ihm noch geben? D'abord, Dieu a dit à Abraham de quitter sa maison et puis ou d'aller dans une autre place. Et après ça, Dieu a demandé aussi son propre fils. Donc, le monde pouvait aussi dire, ok, pourquoi Dieu me demande beaucoup de choses comme ça? Qu'est-ce qui va arriver après ce que je vais faire? It's like the Lord said we should be there for the children, for the festa. And now it's now for the garden. What is coming there? What next is coming? Somebody is complaining. Genauso kann es auch Abraham sein, could have complained. In dieser Gemeinde, dass erst wird das Fenster gemacht, dann die Terrasse, was ist als nächstes? Und so hätte man sich auch so beschweren können. Abraham hätte sich auch so beschweren können über die ganzen Aufgaben des Took me away from my father's country. Er hat sich mich aus dem Haus meines Vaters genommen, jetzt will er mir meinen Sohn nehmen. Was ist das? Les autres vont dire à l'autre fois, nous avons donné l'argent pour les fenêtres, maintenant on donne l'argent pour les terrasses. Qu'est-ce qui va arriver encore? Vous allez toujours avoir quelque chose à faire. Et c'est comme ça aussi que les gens réagissent en général. The Bible said Abraham believed God. He believed God. He did not see it as druck. Hat Gott geglaubt und hat es nicht als Last oder Druck gesehen. As false. That God is forcing him to do what is not coming from his mind. Dass der Herr ihn dazu zwingt, etwas zu tun, was nicht aus seinem eigenen Willen ist. Et c'est comme ça aussi Abraham, quand Dieu lui a demandé de faire toutes ces choses-là, il n'a pas vu ça comme une charge, mais comme pression, mais il a vu ça comme bénédiction d'être là pour Dieu. What this evil world we call druk today. Was aber diese bösartige Welt Druck nennen würde. Mais pour le monde, c'est une charge ou bien une pression. Abraham saw it as a privilege. Aber Abraham hat es als Privileg gesehen. Mais pour Abraham, c'était un privilège. Amen. He did not complain. Some have 10 children. Why don't you tell them to give you one? Er hat sich gesagt, but I have only one. Leute, selbst meine Sklaven haben Dutzende von Kindern, 10 Kindern und mehr. Sag doch, dass einer von denen ihre Kinder opfern kann. Weshalb muss ich mein einziges Kind opfern? Abraham, aussi dit, par exemple, tous mes esclaves ont aussi des enfants. Ils ont beaucoup des enfants. Pourquoi tu prends pas les enfants de mes esclaves et pourquoi tu prends mon propre fils? Praise the Lord. Hallelujah. Let us hate to be like Mr. Goodmaster. Lass es uns hassen, wie der reiche Jüngling zu sein. Und dann détester d'être comme le disciple riche. He believed the Lord was asking too much. Er hat geglaubt, dass you der Herr that? Um zu viel fragt. Was asking too much. Er fordert zu viel. Parce que le disciple riche a pour lui Dieu lui demandait beaucoup de choses. Amen. I obey all the Ten Commandments. And now I should sell everything again. What is coming next? Is somebody getting it? The Lord is asking too much. Der Herr verlangt zu viel. He went away sad. Ich habe alle Gebote gehalten. Jetzt soll ich noch mein ganzes Hab und Gut geben? Das ist zu viel. Und deswegen ist er traurig weggegangen. Il disait d'abord j'ai obéi tous les 10 commandements. Après tu me dis de vendre mes biens, et qu'est-ce qui va arriver après ça? Praise the Lord. Amen. Just like you today, you know, we bless the ministry every month, and you know, then the festa, then the, you know, the garden. What is coming next? You know, a lot will go away sad, just like Mr. Goodmaster. Und auch in dieser Gemeinde kann das der Fall sein, dass Leute sich denken, ich gebe jeden Monat in diese Gemeinde, dann kommen noch andere Sachen wie das Fenster oder andere Sachen wie die Terrasse oder sonstiges. Und Wenn man dann all diese Sachen sich anschaut, geht man dann traurig, verlässt man traurig die Gemeinde, weil es einem zu viel ist. Et c'est comme ça si dans cette église peut-être il y a quelqu'un entre vous qui disent d'abord on fait les fenêtres après la terrasse c'est trop pour moi et puis à cause de ça je quitte l'église. If somebody is to complain, it should be Abraham. Wenn sich jemand hätte beschweren dürfen, dann wäre es doch Abraham gewesen. Mais s'il y a quelqu'un qui a le droit de se plaindre, là c'est Abraham. If somebody is to complain, it should be Paul. Oder Philippiens 3, verse 3 and 4. Ou bien Paul. Philippa 3, 4 und 5. He said, if anyone is to have confidence in the flesh, it should be me. Er hat gesagt, that's Philippians 3 and 4. Wenn sich jemand über das Fleisch rühmen sollte, dann bin ich es doch. Et puis Paul a dit dans Philippiens, s'il y a quelqu'un qui a le droit d'être fier de la chair, là c'est moi qui a le droit d'être fier. Just like me, if anyone is to complain, it should be me. Genau, also wenn ich jemand beschweren sollte, dann doch ich. Et puis c'est comme ça, moi je dis, s'il y a quelqu'un qui a le droit de se plaindre, là c'est moi. I don't know if somebody's getting it. Amen. Amen. If anyone is to be under drug, it should be me. Wenn jemand unter Druck here, in this ministry. We're talking about drug. Look at what Paul said also. Philippians 3. Let's go to Philippians 3. Amen. It should be me. You know how long you have been coming here. Amen. And you're doing this here and you know every, you know, what you cannot even do with your in your natural parents' home. You do it here. But we just thank Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Go to Philippians 3, please. And see what, because some people were trying to push Paul to see the flesh. But and he really get take it to them. Amen. Weil einige Leute versucht haben, Paulus in das Fleisch zu drücken. Und hat ihn dann sozusagen den Spiegel vorgehalten. Und genauso könnte ich das halt auch machen, dass ich auch sagen könnte, es ist mir auch alles zu viel, ich stehe unter Druck wegen den ganzen Sachen, die hier im Haus vorgehen und die Sachen, wie Leute hier sich verhalten, aber dennoch danke ich dem Herrn in allem. Weil ich maintenant Philippiens 3 et puis pour vous montrer aussi que si j'étais dans la chair, je voulais dire aussi que moi j'ai une grande charge et puis la pression d'être ici dans cette église parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent puis ça he said, for we are the circumcision which worship God in the spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had thereof, he might trust in the flesh. I more. I should be the one to talk about the flesh more than even all of you. Philippa 3, Vers 3 lesen wir, denn wir sind die Beschneidung, die wir Christen, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch, auf das Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meinte, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Verset 3, les vrais circoncis, c'est nous. En fait, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit, nous vantons. À cause du Christ Jésus, nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Pourtant moi, je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je peux le penser encore plus. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If anyone is to be... to be, you know, to see it as drug being there for Jesus or for you. Als Last sehen sollte, für Jesus da zu sein. It should be even me or even my husband. You know, those of us that live here, amen. But we have grown out of it. We never see that. Sollte es der ich sein oder Jesus. Mein Ehemann und die Leute, die hier wohnen, aber so ist es nicht mehr, weil wir Jesus sehen und wir danken den Herrn dafür. Amen. Si par exemple il y a une personne qui a une charge ou bien la pression d'être là pour l'église ou bien pour Jésus-Christ, là c'est peut-être moi ou bien c'est le maman pasteur et le mari ou bien les gens qui s'habitent ici, qui vivent ici à l'église, mais à cause du Christ, on ne voit plus la chair, on voit seulement Jésus-Christ et puis nous sommes heureux d'être là pour Jésus-Christ. Some of you have been here, you know, coming here for 6 years, 5 years, 6 years. In Europe, you know what it is. You know what it is for Europe to be in a place. Some of you will confirm it that even your parents' house there's nothing like this. Und but we are not. We don't talk about drug at all because whatever we do for Jesus, we do it for joy. Und einige von uns besuchen die Gemeinde schon mehr als 6 Jahre. Und wir wissen, wie die Sachen hier in diesem Haus und wissen, wie in diesem Haus die Sachen gemacht werden. Und viele von euch kennen das gar nicht aus ihrem eigenen Elternhaus. Aber wir machen das weiterhin so in Christus und lassen uns nicht unter Druck setzen durch das Fleisch. Und dann danken den Herrn in allem. Parmi vous, il y a des frères et sœurs qui ont déjà passé 5 ou bien 6 ans ici dans cette église et ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues même dans leur maison. Nous sommes toujours là pour les uns et les autres et nous sommes toujours là pour Jésus-Christ. Mais bien qu'il y ait des difficultés, on continue toujours d'être là pour Jésus-Christ et nous ne sommes pas aussi fatigués. You know what Jesus suffered? He really suffered to deliver us. Was Jesus erlitten hat, war wirklich das Leid. Er hat gelitten, um uns zu befreien. Just a little for him. Aber wir können ihm nichts davon. We are complaining. Aber wir können auch nicht einmal eine Spitze davon zurückgeben und beschweren uns schon dabei. Ce que Jésus-Christ a souffert pour nous, c'est même plus que nous, c'est plus que ce qu'on fait pour Jésus-Christ. Et puis si on fait quelque chose pour Jésus-Christ, là on commence à se plaindre, puis ça c'est mauvais. You know, some of you, we are not here when we bought this house. The renovation and everything. Einige von euch waren nicht hier, als wir das Haus gekauft haben, renoviert haben. Parmi vous, il y a aussi des gens qui n'étaient pas présents quand nous avons acheté cette maison. And you know, marriages have been done here. Und auch Hochzeiten wurden hier gemacht. Without anybody, without people paying a cent. Ohne dass Leute dafür bezahlt haben. We paid everything. We paid for all most of the things. You know, even the what you call it? You know, when people give birth in church, normally they do dedication. And before that child is taken to the church, there's a price that needs to be paid. But we don't do that here. But upon all, people are not still satisfied. Und auch wenn ein Kind geboren wird und das Kind das erste Mal in die Gemeinde kommt, ist es ein anderes. The first time you have to see. Also gemeint normal, dass man dann beim ersten Gemeindebesuch einen bestimmten Preis an die Gemeinde zahlt, weil das Kind die Gemeinde jetzt besucht und offiziellen Teil der Gemeinde ist. Aber sowas machen wir nicht, sowas haben wir nie gefordert. Aber dennoch ist vielen Leuten das, was an dieser Gemeinde passiert, zu viel. Und auch mit den Hochzeiten, dass wir auch die ganzen Sachen dafür bezahlt haben und dafür aufgekommen sind und nicht einen Cent verlangt haben von den Menschen, die geheiratet haben, oder von den Menschen, die Geburtstage gefeiert haben. Et c'est comme ça aussi dans cette église, il y avait déjà des mariages, ou bien même en général, si par exemple il y a un nouveau bébé qui est dans ce monde. Avant de venir dans cette église, normalement, il faut donner une offrande à l'église comme bénédiction. Mais ici, nous n'avons jamais demandé l'argent de toutes ces fêtes que nous avons fêtées aussi, ou bien l'argent de tous les mariages, ou bien des enfants qui sont nés ici dans cette église, parce que nous sommes sous la grâce, pas sous la loi. A lady told me, even that very time that this family have marriage here, a lady was going to have marriage in the one a church somewhere. She was living along this road. She said she's going to pay just the cash to pay, apart from the goods, whatever she's going to buy. The cash to pay is 3,000. But here, there's nothing like that. Are you getting it? Mm-hmm. I don't know what people really want. Zu der Zeit, als hier diese Ehe geschlossen wurde, geheiratet wurde, hatten wir eine Nachbarin, die auch erzählte, dass sie auch in einer Gemeinde vorhat zu heiraten und sie allein nur weil sie dort heiraten wird, also da ist noch nicht Essen und Getränke und sowas drin, und nur weil sie da heiratet, hat der Pastor schon 3000 Euro von ihr verlangt für diese Eheschließung in seiner Gemeinde. Et j'ai connu aussi une personne qui a payé 3000 euros à un pasteur parce qu'il voulait, elle voulait se marier dans son église. Mais avant de payer, par exemple, la manger et toutes les choses qu'on achète pour la fête, pour le mariage, elle a payé d'abord 3000 euros seulement pour qu'elle soit capable à fêter son mariage à l'église. She said they gave them list, you know, maybe we should change our system here. Und so that's time. Sie hat auch gesagt, yeah. Der Pastor. Then you know what is, you know what, when something is too free, people don't value it. Und der Pastor hat ihr eine Liste gegeben von Sachen, die sie zu besorgen hat, die sie zu bezahlen hat. Und ich weiß nicht, ob wahrscheinlich dann hier wir dieses System auch einbringen sollen, weil anscheinend, wenn Dinge umsonst sind, nimmt man sie, schätzt man das nicht mehr wert und nimmt das für selbstverständlich. Le pasteur aussi a demandé une liste avec toutes les choses qu'elle doit acheter ou bien payer. Et puis, si par exemple, on commence aussi à faire ça ici dans cette église, là les gens vont comprendre la liberté que nous avons ici d'être dans cette église et tout ce qu'on fait ensemble. Parce que les gens n'apprennent jamais sauf à travers d'expériences et puis de la loi. The Lord has been there for you. War immer für dich da. Dieu a toujours été là pour toi. But because, just because of, you know, two things. Fenster, garden, what next? Wegen dem Fenster, der Terrasse oder den Projekten der Gemeinde ist es uns zu viel. Dieu a toujours été là pour toi, mais maintenant, seulement parce qu'il y a des projets comme les fenêtres ou bien la terrasse, tu commences à demander qu'est-ce qui va arriver encore après ces deux choses. You know, just like the question John asked Jesus. Amen. Jesus, see, that question we marvel Jesus. So also, I marvel how people forget so easily what the Lord, how the Lord has been there for them. Und genauso hat auch diese Frage von Johannes Jesus echt überrascht. Er ist echt fast schon erschreckt, dass er so eine Frage stellt, obwohl er doch weiß, wer er ist, ne? Und wer Jesus ist. Und genauso überrascht mich das auch, dass wenn halt hier diese Streitigkeiten oder Fragen oder diese Sachen auftauchen, obwohl man doch weiß, was der Herr für einen getan hat, wie er für einen da war. La façon comme Jésus-Christ a été surpris à la question de Jean-Baptiste, c'est la façon sur comment moi je suis aussi surpris pourquoi les gens oublient tout ce que l'Église a fait pour les gens ici dans cette église. You should never be the one speaking the way you speak. Just like John should never be the one doubting Jesus. Wir sollten niemals in dieser Position sein, dass wir den Herrn anzweifeln und diese Dinge asking something that you have lived. Fragen stellen über Dinge, die wir gelebt haben, die wir genossen haben, dank dem Herrn. Genauso wie Johannes auch nicht hätte diese Frage stellen dürfen, als jemand, der doch weiß, wofür er auf diese Welt gekommen ist und für wen er auf diese Welt gekommen ist. Nous ne devons jamais être dans la position de douter ou bien de douter pourquoi on fait des choses ici à l'église. La façon c'est comme Jean-Baptiste ne devait pas être dans la position comme un prophète de demander à Jésus-Christ si c'est lui vraiment le Messie, parce que nous avons vécu et vu la bénédiction de Jésus-Christ dans notre vie. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly add this. I know somebody that will love this word, Druck. Ja, ich weiß jemanden, der diesen Ausdruck von Druck lieben wird. Et je connais une personne qui va aimer le mot charge ou bien John, your brother. John, your brother. Jean-Claude beispielsweise, dein Bruder. Comme par exemple Jean-Claude, ton frère. He was never there for anybody. Er war in der Gemeinde, als er hier noch for war. Years. Jahrelang für niemanden hier da. But he loved to receive. Aber er hat es genossen. And people were there for him. Zu empfangen und Leute waren für ihn da. Cette personne a été ici dans cette église, mais elle n'était pas, cette personne aussi n'était pas prête à bénir cette église, mais elle était seulement prête de recevoir quand la bénédiction était là. God's children, we're always there for him. Les enfants de Dieu sont toujours là pour lui. Les enfants de Dieu ont toujours été he là was pour never lui. There for Christ. Elle va nicht für Christus mais da. Lui n'était jamais là pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He worked for years. Er, you know, only one year that you know we decided to just leave the how what he do to people. We decided to just turn it and just let him see it a little bit. Then he left. Und es gab dann halt ein Jahr, in dem wir halt ihm nicht so geholfen haben, wie er es sonst immer von uns kannte. Und in dem Jahr ist er dann halt auch die Gemeinde dann verlassen. And that person is your best friend today. Aber diese Person ist jetzt dein bester Freund. How will you not see it as you are seeing things? Und deswegen ist es dann halt auch klar, dass man Dinge als Druck sieht, weil man mit Menschen Zeit verbringt, die Dinge des Herrn als Druck sehen, als Last sehen. Donc il y avait une personne ici dans cette église qui était prêt à recevoir des bénédictions de Jésus-Christ, mais quand c'était maintenant à lui de bénir la maison de Dieu, il n'était pas prêt, bien qu'il travaillait pour des années. Mais quand nous avons aussi pris la décision de ne plus être là pour lui comme il faut, c'est là qu'il a quitté l'église. If you start moving with somebody that refuses to submit to Christ, it's a matter of time. Evil communication corrupt good manners. Wenn du immer wieder Zeit mit jemandem verbringst, der sich weigert, sich Christus hinzugeben, aber bezeugt, an Christus zu glauben, wirst du dieser Person immer ähnlicher werden, weil schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Si tu continues d'avoir des relations avec des gens qui ne veulent pas se soumettre à Jésus-Christ, là tu vas commencer aussi à être comme eux, tu vas commencer aussi à faire la rébellion devant Jésus-Christ. You know, you are not even ashamed to say this person, I move with him, he's my friend, we'll move together, we'll listen to one another. You are not even ashamed. Somebody that refused to submit to dass Christ. Wir ständig Zeit mit jemandem and you know it. Der sich Christus nicht ergeben möchte, schlussendlich. And you are one with him. Wir sind eins mit dieser and Person. And you wonder why it's so difficult for you to submit to Jesus. Dann sind wir verwundert darüber, dass es uns schwer fällt, Belehrung anzunehmen. Et tu n'as pas honte aussi d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ. Après là, tu es surpris pourquoi tu n'es pas si capable à te soumettre à la volonté de Dieu puis à Jésus-Christ en général. You wonder why it's so difficult for you to repent. Those you move with can never, will never allow you. Aber die Leute, mit denen wir Zeit verbringen, die werden dafür sorgen, dass if you move with Christ, to repent is so easy. Aber wenn wir mit Jesus immer wieder Zeit verbringen, oder Menschen, die sich Jesus wirklich ergeben, dann werden wir auch leicht Buße tun können, weil wir immer wieder Jesus sehen. Tell me your friend and I will tell you who you are. Amen. Amen. Amen. Tell me those you move with and I will tell you who you are. Si tu as une relation avec des gens qui se soumettent pas à Jésus-Christ, faut pas être surpris si toi-même tu commences à révéler à Jésus-Christ parce que tes amis vont montrer qui tu es. Praise the Lord. Hallelujah. And I have calculated everything we need to do in the garden here. It will be around 15,000 to 20,000. Amen. And we believe that the Lord is our provider. Und, if he says, if he wants it done, it will be done. Amen. In his own time. Amen. Amen. And nobody can stop it. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Und ich habe alles berechnet, was für den Garten aufkommen wird. Und es wird zwischen 15.000 und 20.000 sein. Und ich glaube, dass der Herr unser Versorger ist und dass niemand die Hand des Herrn aufhalten kann und nichts für den Herrn zu groß ist. Amen. No money is bigger than our salvation. Yes, you have to. Okay, sorry. La terrasse va nous coûter entre 15 000 et puis 20 000 euros, mais je suis sûre que Jésus-Christ est capable de nous aider à payer l'argent pour la terrasse, parce que s'il a une volonté, la volonté va se manifester aussi, puis personne va être capable à tenir sa volonté. Praise the Lord. Hallelujah. If you can give salvation, you can pay any money. Praise the Lord. Hallelujah. S'il est capable de nous donner le salut, là, il est aussi capable à payer l'argent. You know, if you really know the blessing of the Lord, you won't even be fighting to be the one to even be there for Jesus. Wenn wir den if you really know you are one with him, wirklich kennen, dann that werden it is all about him. Sogar darum kämpfen, für ihn da zu sein. Wir wissen, dass nur um ihn geht. Amen. Si réellement tu sais, tu connais la bénédiction de Dieu, là tu vas même faire tout pour être la première personne qui est là pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even in Nigeria, you know, people fight to be there for Jesus. They want to do anything in the house of God. This one says, I'm the one going to do it. They fight to be there. Oder auch in Nigeria haben wir das miterlebt, dass die Leute... If I listen to the message, they listen to it. It's so funny. Darum but kämpfen. Upon all, they don't believe Jesus. And they are there for him. Und darum kämpfen für die Gemeinde, da zu sein. Kämpfen, das und das zu bezahlen, das und das zu geben. Und wenn ich mir die Botschaft anhöre, diese Leute sich anhören, dieser Gemeinde, denke ich mir, okay, also das ist eine komische Botschaft, komische Lehre, aber dennoch sind diese Leute so voll mit Elan und so voll mit Leidenschaft dafür, einfach das Haus Gottes zu segnen und dafür da zu sein. C'est comme par exemple aussi au Nigeria, les gens qui sont à l'église, ils se battent pour être là pour l'église de Dieu, bien que le message ne soit pas vraiment la vérité, mais ils veulent toujours être là pour Jésus-Christ. Et puis ici, ou bien dans les églises où il y a la vérité, les gens n'apprécient pas le message et puis ne sont pas aussi là pour Jésus-Christ comme il faut. Praise the Lord. Hallelujah. Like Paul in 2 Corinthians, he said that we are fighting to be there for him. Amen. Wie Paulus es in 2. Korinther sagt, they gave out of their poverty. They were having nothing, but they gave out of it. Dass die mazedonische Gemeinde das Haus Gottes gesegnet hat. Aus ihrer Armut heraus haben sie das Haus Gottes gesegnet. Sie hatten nichts, aber dennoch haben sie gegeben. Et c'est comme si Paul nous explique dans 2 Corinthiens, comme les églises ont fait tout pour bénir Paul, bien qu'ils étaient pauvres. Mais à travers de leur bénédiction à Paul, il devenait aussi de plus en plus riche. It's now we want to even start the message, amen. Amen. Christ, the ministry, and you. Und jetzt beginnen wir mit der Botschaft über Christus, die Gemeinde und du. Et c'est maintenant où on commence avec le message qui est l'Église, Jésus-Christ et toi. The Lord said that we should stop separating them. Der Herr sagt, wir sollen aufhören, das voneinander zu trennen. Parce que Jésus-Christ dit qu'on doit arrêter de séparer l'Église. He said, these three, they are one. Diese drei sind eins. Parce que l'Église et puis Dieu, ils sont un. Christ, the ministry, and you. Christus, die Gemeinde und du, ihr seid eins. Le Christ, l'Église et puis nous tous sommes un. You know, Jesus never separated himself from his ministry. Jesus hat sich nicht von seiner Gemeinde geteilt. Amen. He never also separated himself from his father. Er hat sich auch nicht von seinem Vater getrennt. Il s'est jamais séparé de son père. Amen. Amen. He said his ministry is father, they are one. Er hat gesagt, seine Gemeinde und sein Vater sind eins. Il a dit son église et puis son père, ils sont un. Praise the Lord. Amen. His father sent him. And the message is all about his ministry. Sein Vater hat ihn geschickt und die Botschaft geht über seine Gemeinde. I don't know if somebody is getting there. Dieu le Père a envoyé son fils Jésus-Christ qui parlait surtout de son église, de son ministère. What his father sent him to do is about his ministry. So he cannot separate himself from it. Was sein Vater ihn geschickt hat zu tun, ist über die Gemeinde. Deswegen kann Jesus sich nicht von der Gemeinde trennen. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ le Fils pour parler puis prêcher de son ministère, et c'est pourquoi nous on peut passer à séparer l'église et puis Dieu. Praise the Lord. Amen. A living church is Christ himself. Eine lebendige Gemeinde ist Christus selbst. Continue on Sunday. Amen. Une église vivante est Christ lui-même. Amen. Amen. You know, Jesus said in John 20, as my Father sent me, so I sent you. Jesus sagt in Johannes 20, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jésus-Christ nous a dit, la façon comme Dieu m'a envoyé, c'est comme ça je vous envoie aussi. My Father sent me to be there for him. Mein Vater hat mich gesandt, and I sent you to be there for me. Mein Vater hat mich gesandt, für ihn da zu sein. Und ich schicke euch, um für mich da zu sein. Mon père m'a envoyé d'être là pour. Jésus-Christ dit que mon père m'a envoyé d'être là pour Dieu. Et puis c'est comme ça aussi je vous envoie d'être là pour moi, Jésus-Christ. To be there for one another is to be there for Christ. Für to be there for the ministry is to heißt be there for Christ. Da zu sein. Für die Gemeinde da zu sein heißt für Christus da zu sein. Que vous êtes là pour les uns et les autres, ça veut dire que tu es là pour Jésus-Christ. La façon c'est comme si tu es là pour l'église ou pour le ministère, c'est comme ça aussi tu es là pour Jésus-Christ lui-même. Amen. Praise the Lord. Amen. A living church is Christ himself. That's why it's called a living church. If not, it will be a dead church. Es Christus selbst, weil deswegen ist sie ja lebendig, weil sonst wäre sie ja tot. Une église vivante, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi si cette église est vivante. Parce que si cette église n'était pas vivante, il voulait être mort. Elle voulait être mort. Praise the Lord. Elle sera mort. If Christ is number one in our life. Wenn Christus die Nummer eins ist in unserem Leben. Si le Christ est la première priorité dans nos vies. Are you getting it? If Christ is number one in our life. It means the ministry should be number one in our life because the ministry and Christ they are one. Dann sollte auch die Gemeinde Nummer eins sein in unserem Leben, weil die Gemeinde, die lebendige Gemeinde und Christus eins sind. Amen. Ça veut dire aussi que si donc si Jésus-Christ est la première priorité dans ta vie, c'est comme ça aussi l'église et puis le ministère de Jésus-Christ a la première et la première priorité dans ta vie parce que tous les deux sont un. You cannot separate a living church from Christ. Du kannst eine lebendige Gemeinde von Jesus trennen, weil sonst ist sie keine lebendige Gemeinde mehr. Et cette église qui est vivante, tu ne peux pas séparer de Jésus-Christ, parce que si tu sépares cette église de Jésus-Christ, là ça veut dire que cette église n'est plus vivante. What makes it a living church is because it is Christ himself. Es ist eine lebendige Gemeinde, weil es Christus selbst ist. C'est une église vivante parce que c'est Jésus-Christ lui-même. Without Christ, it is no longer a living ministry. Ohne Christus ist es keine lebendige Gemeinde, sondern eine tote Gemeinde. Parce que sans Jésus-Christ, c'est une église morte. In Mark 10, verse 28 to 31, Jesus was talking about his own ministry. We will start from there on Sunday. Amen. In Markus 10, hat Jesus von seiner eigenen Gemeinde gesprochen. Et dans Marc 10, on voit comment Jésus-Christ parle de son propre église, de sa propre église. Praise the Lord. Hallelujah. Damit geht's weiter am Sonntag. Amen. Amen. As the Lord directs us, we'll go into it further. Amen. Amen.